scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1962, première émission. 1962, les accords d'Évian, la mort de Marilyn Monroe, l'attentat du petit Clamart, Bonne nuit les petits, Vatican II, Georges Pompidou à Matignon, la première traversée du paquebot France. Quelques pistes dans le désordre, quelques souvenirs en commun, sans compter les vôtres, si vous êtes contemporain de cette année, ou si vos parents vous l'ont raconté. Les archives de l'INA sont là pour rafraîchir votre mémoire ou pour vous aider à inventer des souvenirs. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. La manifestation anti-OAS a lieu le 8 février à Paris. L'ordre de dispersion est donné, les policiers chargent, on connaît la suite. 8 morts au métro Charonne, une centaine de blessés. Au journal parlé du lendemain matin, on relate les faits et ensuite on les commente. L'histoire par la radio est également une histoire de la radio et de ses relations avec le pouvoir. Au micro Jean Piazza. Se prendre la tête à deux mains, comme on dit, et réfléchir. Réfléchir aux tristes événements d'hier soir. 8 morts, plus de 200 blessés, certainement. Des événements qui endeuillent et divisent le pays, et qui, cependant, pourraient inspirer cette réflexion d'un humour grinçant. Si les dirigeants de l'OAS avaient quelques soucis de courtoisie, ils adresseraient ce matin aux dirigeants communistes une petite carte de sincères remerciements. Oui, l'OAS, c'est assez pénible à dire, peut se féliciter de ce qui s'est passé hier soir à Paris. Et elle pourrait remercier les communistes d'avoir si bien saisi la perche tendue, d'avoir ajouté au désordre OAS les désordres anti-OAS. L'organisation secrète pouvait-elle espérer mieux si l'on sait que dans cette même soirée, elle provoquait 13 explosions de plastique à Paris et en banlieue. 13 explosions dirigées essentiellement contre les organisations de gauche, celles-là même qui avaient sans doute relâché leur vigilance pour aller manifester dans la rue. Bien sûr, les communistes pourront dire que la responsabilité des 8 morts hier soir, des 200 ou 250 blessés, dont 140 chez les policiers, la responsabilité, diront-ils, incombe à l'organisation secrète, par un enchaînement de déductions. S'il n'y avait pas d'OAS, il n'y aurait pas de lutte anti-OAS, pas de manifestation, pas de désordre, pas de morts ni de blessés, rien. Parfait, mais d'autres diront que les communistes savaient fort bien au-devant de quoi ils allaient, en passant outre à l'interdiction formelle et répétée du gouvernement, en maintenant cette manifestation de rue, en feignant de croire que le gouvernement aurait, à l'égard de cette manifestation-là, une attitude différente sous prétexte qu'elle visait l'OAS, l'OAS dont l'action indigne a été dénoncée avec la plus extrême rigueur par le chef de l'État. C'était ignorer systématiquement que le gouvernement ne pouvait pas faire d'exception. C'était provoquer l'épreuve de force, l'affrontement, le choc. Ce que rappelait précisément le ministre de l'Intérieur cette nuit par un communiqué dont je vous rappellerai simplement l'essentiel. L'état d'urgence qui a été proclamé le 22 avril 1961 interdit toute manifestation sur la voie publique. De telles manifestations, qui veulent exprimer l'indignation de la population et sa volonté de combattre les ennemis de la République, vont, dans la période actuelle, à l'encontre des buts qu'elles se proposent. La subversion y trouve un allié dans le désordre qu'elle provoque, dans les faits et dans les esprits, et aussi dans l'immobilisation des forces qui seraient plus utiles ailleurs. Le communiqué de l'Intérieur dit encore qu'en exploitant les actes criminels de l'OAS, d'autres ennemis de la République tentent d'en tirer bénéfice et de retrouver auprès d'authentiques démocrates un crédit perdu. Le gouvernement ne saurait se prêter à ce jeu. Il fait appel au civisme de la population et des partis républicains. Le même communiqué annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre les organisateurs de la manifestation. Ce que l'on doit regretter en outre dans cette affaire, c'est que d'autres partis que le Parti communiste, d'autres mouvements politiques ou syndicaux se soient à leur tour laissés prendre et que tout cela ait abouti à ce que vous savez. 8 morts chez les manifestants, 140 blessés du côté des forces de l'ordre. Autant sans doute, peut-être plus, chez les manifestants. On ne sait pas au juste. On compte enfin 83 arrestations. C'est le ministre de l'Intérieur encore qui précisait cette nuit, à propos des incidents de la Bastille, que dans certains secteurs, les forces de l'ordre se sont heurtées à des émeutiers purs et simples, parfaitement organisés. Les policiers ont été encerclés, ils ont essuyé une véritable pluie de projectiles divers, boulons, morceaux de fonte, pavés, morceaux de grille, etc. Ils ont dû charger, précisent les autorités, pour se dégager. Les mêmes autorités soulignent qu'il n'y a eu ni mort ni blessé par balle. On sait en tout cas, de façon certaine, par des déclarations de témoins, qu'au moins une femme, et il y en a trois parmi les morts, un homme et un garçon de 15 ans ont succombé après avoir été littéralement étouffés, piétinés par la foule. Sinistre dérision qui met face à face et fait se heurter, se combattre des Français qui affirment défendre la même cause. Sinistre dérision aussi que ce à quoi aboutit cette singulière stratégie du terrorisme. En 1962, la guerre d'Algérie, enfin les événements selon la formule d'époque, s'achèvent. Les accords d'Évian sont signés. Intervention du général de Gaulle. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Car ce qui vient d'être décidé répond à trois vérités qui sont aussi claires que le jour. La première, c'est que notre intérêt national, les réalités françaises, algériennes et mondiales le sens de l'œuvre et du génie traditionnel de notre pays nous commande de vouloir qu'en notre temps, l'Algérie dispose d'elle-même. La seconde, c'est que les grands besoins et les vastes désirs des Algériens pour ce qui est de leur développement, les nécessités modernes de leur progrès économique, technique et culturel, la présence au milieu d'eux d'une communauté de souche française importante par le nombre et plus encore par le rôle qu'elle joue aujourd'hui et que la France lui demande de jouer demain dans l'activité locale. L'effectif des musulmans qui viennent de l'autre bord de la Méditerranée travailler et s'instruire dans notre métropole impose à l'Algérie de coopérer avec nous. La troisième vérité, c'est que par-dessus les combats, les attentats, les épreuves, en dépit de toutes les différences de race, de vie et de religion, il y a entre l'Algérie et la France non seulement les multiples liens tissés au cours des 132 ans de leur existence commune, non seulement les souvenirs des grandes batailles où les enfants des deux pays luttèrent côte à côte dans nos rangs pour la liberté du monde, mais encore une sorte d'attrait particulier et élémentaire. Qui sait même si la lutte qui se termine et le sacrifice des morts tombés des deux côtés n'auront pas en définitive aidé les deux peuples à mieux comprendre qu'ils sont faits non pour se combattre, mais pour marcher ensemble sur la route de la civilisation. Française, Français, pour que soit solennellement ratifié ce qui vient d'être décidé, pour que soit en conséquence et en dépit des derniers obstacles accompli ce qui doit l'être, il faut maintenant que s'exprime très haut l'approbation et la confiance nationale, ce qui signifie les vôtres. Je compte donc vous le demander. Vive la République ! Vive la France ! C'est donc l'annonce d'un référendum à venir sur la ratification des accords d'Évian. Restons en France, en métropole, pour faire un petit tour dans le sud, en province. Parle-t-on de région ? A-t-on déjà banni ce mot de province ? Et comment est-elle la province ? Comment sera-t-elle ? Comment, par exemple, imagine-t-on une ville comme Toulouse, en l'an 2000 ? C'est très éloigné de 1962, l'an 2000. Voici un peu de science-fiction urbanistique très prudente. Et voici « À l'heure de la province », une émission d'Alex Surchamp réalisée avec le concours des stations régionales. Aujourd'hui, heure toulousaine. C'est par un voyage d'anticipation que commencera notre promenade toulousaine. Une visite de Toulouse en l'an 2000, en compagnie de Marcel Tariol, inspiré certes, mais documenté et renseigné aux meilleures sources. Il y avait jadis sur l'immense côte de la Garonne une vieille cité riche de son passé et de ses traditions. On y cultivait les mûres sous le patronage de Clément Cisor et des Jeux Floraux, on y travaillait, mais on aimait aussi flâner, bavarder aux terrasses des cafés. Comme l'a dit un de ses historiens, Robert Mesuret, Toulouse, c'était le plus grand village du monde. Et puis un jour, tout a changé. Oh, ça ne s'est pas fait tout d'un coup. La ville s'est déplacée vers des quartiers plus neufs, vers les boulevards, les allées Jean Jaurès. De grandes usines ont surgi dans la périphérie. Toulouse bougeait. Toulouse poussait au rythme du XXe siècle à ses débuts. Après la dernière guerre, le rythme s'est accéléré. La fièvre du building s'est emparée des Toulousains. Des buildings, il en poussait partout, dans la banlieue, dans le centre, le long du canal, sur les boulevards. Et les gratte-ciels de 1960 semblaient saluer les tours et les clochers de la veille ou de l'avant-veille. Jadis, Toulouse, c'était Florence. Voici qu'elle prenait les allures de New York ou de Chicago. Cette fièvre, il était difficile de la faire tomber, car le nombre des Toulousains s'accroît d'année en année, près de 10 000 habitants par an. Pour guérir la fièvre, un seul moyen, ne pas laisser la ville pousser au jour le jour, au petit bonheur, modeler la ville de demain et d'après-demain. Toulouse en 2000. La vieille ville est toujours là, plus pimpante que jadis. Les vieux quartiers ont été assainis, le Capitole sacrifie toujours à Gounod ou à Verdi, et les façades de briques continuent de chanter sous le soleil. Et il reste encore, mais oui, quelques cafés où l'on peut bavarder à la terrasse. Les Jacobins, Saint-Cernin, l'hôtel d'Assesa témoignent du passé avec leurs lignes sévères ou élégantes. Il y a encore, c'est presque incroyable, des piétons et même des amoureux le long des quais de la Garonne. Mais il est né une nouvelle ville, Toulouse Mirail. Oh, pas exactement une nouvelle ville, pas une ville satellite ou une ville dortoir. Non, comment vous dirais-je, une ville sœur, très proche du cœur de son aîné. Sur 700 hectares, les architectes ont donné une forme à leurs rêves. Des jardins, des espaces verts, des arbres centenaires, un immense plan d'eau et de ci, de là, de vieux châteaux que l'on a su conserver. Et un miracle. Les maisons ne sont pas des machines à habiter. Celui qui les a conçues, Georges Candilli, c'est un méditerranéen. Il a évité les grands blocs rectilignes. Les lignes droites y deviennent d'immenses Y qui humanisent l'espace, permettent les contacts fraternels. Il y a même des maisons individuelles. Toulouse de l'an 2000, c'est une succession d'agora ou de piazzetta. On peut y flâner, comme jadis le faisaient les vieux Toulousains, dans la rue d'Alsace, ou sur les allées Lafayette. Et miracle suprême, le piéton est le roi de la rue. Les automobiles ont leur propre piste, et le piéton a la rue pour lui tout seul, comme le Vénitien. Les magasins, les bureaux sont à sa porte, et aussi les salles de spectacle, les terrains de sport, les écoles, les lycées, et même un musée. Toulouse en 2000, Toulouse Mirail, c'est l'image plus moderne de l'antique Toulouse. Ses habitants sont à deux pas de leur travail, qu'il s'agisse de l'aéronautique ou de l'industrie chimique. Et s'il leur plaît de faire battre leur cœur à l'unisson de la Toulouse d'hier, de larges et belles avenues leur permettent de rejoindre le Capitole ou les allées Jean Jaurès qui sont devenues les Champs-Élysées toulousains et qui s'étirent jusqu'au plateau de Jolimont. Toulouse Mirail, Toulouse Miroir, si nous en croyons le patois languedocien. Et c'est bien vrai. Toulouse en 2000, c'est le miroir de la Toulouse d'hier et d'avant-hier. Tout est nouveau, mais au fond rien n'est changé, parce que les Toulousains sont toujours les mêmes. Actifs si tel est leur bon plaisir, mais aussi amoureux du soleil, des nuages, du farniente, qui laisse courir les rêves et permet de se regarder vivre. Des poètes pour tout dire. On quitte Toulouse, on se laisse glisser un peu à l'est, jusqu'à Sète. En fait, non, on ne s'arrête pas à Sète, mais on rencontre un Sétois monté à Paris depuis déjà longtemps. Désormais, il a un peu de mal à se promener tranquille dans la capitale, sans être pour autant l'idole des jeunes. dites-moi, Georges Brassens. Claude Dominique bavarde au coin d'une table avec Georges Brassens. Bon, ben, je suis pas en face de Johnny Hallyday, donc je vais pas demander à Georges Brassens le nombre exact de boutons qui ont été arrachés à son veston par ses admiratrices. On n'en a jamais. J'ai des admirateurs et des admiratrices plus calmes, plus. Oui, et comment vous témoignent-ils leur admiration ? Eh ben, et vous écrivez ? En gardant leur distance. Mais dans la rue, on vous reconnaît quand même. Vous ne passez pas. Oui, dans la rue, on me reconnaît, on m'arrête, on m'interpelle. Mais enfin, c'est on me traite gentiment, si oui. Vous voulez, on n'essaie pas de me les habiller. Si à mes débuts, à une époque, on a essayé de m'arracher quelques poils de moustache, en souvenir. Mais il y en a suffisamment. C'est assez de rue pour contenter tout le monde. Je crois que je respecte assez le public pour qu'il me respecte. Oui. Alors c'est. Mais dans la rue, est-ce que le fait d'être reconnu vous gêne ? Est-ce que ça vous empêche, par exemple, d'aller manger dans un petit bistrot où vous avez envie d'aller flâner le long des quais ? Ça me gêne parfois, ça dépend de la manière dont c'est fait, ça dépend toujours de qui le fait, ça, oui. Vous savez. Donc, la célébrité, quand même, vous empêche d'aller vous promener sur les quais ? Oui, parce que je ne peux pas flâner comme tout le monde. Avant, j'aimais me balader à droite et à gauche, chercher des bouquins sur les quais de la Seine ou dans les librairies. Enfin, j'aimais beaucoup Paris, mais. Maintenant, quand même, il m'est difficile, si vous voulez, d'avoir une vie intérieure normale en traversant Paris, parce que j'entends chuchoter derrière moi ces Brassens, ou des fois ils me prennent pour un autre. Pas, ils vont pas jusqu'à me prendre pour Mariano, mais des fois ils se trompent. Enfin, ils se disent, je l'ai vu quelque part, celui-là. Et ça m'empêche de vivre normalement, vous voyez, ça m'empêche de participer à la vie de tous. On me rappelle à chaque seconde que je ne suis pas. Pas normal. Enfin, quoi, monsieur tout le monde, hein, vous êtes Georges Brassens, et puis c'est tout. Ça, c'est assez difficile, oui, ça. C'est le verso de la médaille. Si je choisis un bouquin devant un libraire, chez un bouquiniste, là, et qu'on vienne me parler de mes chansons ou d'autre chose, ça me distrait, j'ai plus envie de choisir mon bouquin, encore. Me voilà dans un autre. Dites-moi, Georges Brassens, parlez-moi un peu de vos nouvelles chansons. Est-ce qu'il y a toujours un squelette accroché à l'hémistiche ? Mais là, je ne parle pas de la mort, je parle un peu de l'amour, comme d'habitude, bien sûr. Il n'y a pas tellement de sujets, vous savez. C'est. Comment s'appelle-t-elle ? Dans les trompettes de la renommée, je traite du problème d'un type connu auquel des amis viennent dire « Tu ne te fais pas assez de publicité, tu ne fais pas assez de scandale, on va t'oublier. » Alors je cherche quels sont les moyens de se rappeler au bon souvenir du public. C'est une chanson dite rigolote, quoi. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Etc., etc. Censure de la renommée, vous êtes vraiment bien bouché. Et à part ça. Je fais une chanson aussi sur la guerre de 14-18. Je dis qu'entre toutes les guerres qu'il m'a été donné d'étudier dans l'histoire, ma préférée, c'est la guerre de 14-18. Et pourquoi ? Alors, je ne dis pas la raison. Ça, je n'en sais rien. Sait-on pourquoi on aime une chose ? Vous avez des souvenirs de régiment ? Vous avez fait votre régiment ? Non, je n'ai pas fait le régiment. Fait le régiment. Donc, vous êtes bien malheureux, alors au dessert, vous n'avez rien en 21, à raconter. J'étais de la classe 41, alors je n'ai rien à raconter, mais je bénis le ciel de n'avoir rien à raconter à propos de guerre. Excepté cette histoire des guerres de 14-18, qui est une farce. Oui, je n'ai jamais porté un fusil, sauf pour tirer sur des pipes. N'êtes pas chasseur? Non, pas du tout, non. J'aime assez me servir d'un fusil, mais je vous dis pour casser des pipes. Oui, à la foire. À la foire, oui, encore que je n'y aille pas. Enfin, des fois, je vais chez des copains qui ont un fusil. Ouais. Et je tire assez bien. Je serais capable de tuer un homme d'assez loin. Ouais. Mais j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même en colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Quand vous écoutez vos chansons, quand vous vous trouvez en face d'un enregistrement de Brassens, est-ce que vous avez l'impression d'être en face d'un miroir qui vous renvoie à une juste image de Brassens? Je passe quand même pas mes journées à m'écouter, oui. J'ai horreur de m'entendre, oui. Finalement. Quand j'écoute le disque quand on vient de l'enregistrer, puis après je l'écoute que par hasard, ou alors juste là, quand on me le passe dans un café, par exemple, ou... Ça vous la arrive? Veille ou l'avant-veille, oui, ça m'arrive. Dans un café, quand vous entrez, on met aussitôt un disque de Brassens? Ça arrive assez souvent, oui, quand il y en a. Il n'y en a pas toujours, vous savez, je ne suis pas si répandu que ça dans les cafés et les jukebox. tant mieux pour moi, du reste. Parce que ce n'est pas là qu'il faut écouter mes chansons. Mais il m'arrive d'écouter mes disques avant de passer en public parce que j'ai une tendance fâcheuse à oublier mes textes. Je commence à avoir quand même fait pas mal de chansons, je finis par... Quand je n'ai pas chanté comme je reste 7-8 mois sans chanter... Je suis quand même obligé de me remettre les chansons en mémoire. Mais sur scène, ça ne vous arrive jamais d'avoir un trou? Sur scène, ça m'arrive. Mille et une fois, je ne vous ai jamais vu en train de... Parce que vous êtes bien tombé, mais il y en a qui m'ont vu. Ça m'arrive assez souvent, ça. Le trou, au milieu d'une chanson. Oui, alors là, je m'arrête et j'en prends une autre. Comme j'en ai quelques-unes, ça va. Ça gêne en général pas le public. Ça m'arrive quand je suis assez fatigué ou quand quelque chose me trouble dans la salle. Oui. Dites-moi, Georges Brassens, dans vos nouvelles chansons, est-ce que vous avez pioché un petit peu dans la littérature? Est-ce que vous avez déterré quelques poèmes, disons, un peu oubliés? J'en ai un, oui. J'ai les Stances à Marquise de Corneille. C'est Stan Bernard a complété ça dans son poème. Corneille s'adresse à cette Marquise-là. Enfin, Marquise, c'est son prénom. Et il lui dit, aimez-moi parce que... Enfin, je ne vous dis pas le poème, bien que je le sache, mais... Tout le monde connaît le sujet. Oui, bien sûr. C'est la jeune fille lui dit, ne vous en faites pas, quand vous allez vieillir, un jour vous serez vieille, et puis à ce moment-là, vous verrez, vous serez exactement comme je suis aujourd'hui. Alors elle lui dit, peut-être que je serai comme ça, mais je t'emmerde en attendant, répond Tristan Bernard. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise. Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, je t'emmerde en attendant. Thank you. marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. France Culture, les années 60, 1962, où l'on retourne dans le sud de la France. En 1962, l'émission de télévision qui suit vous le prouvera. D'une part, on sait s'amuser et d'autre part, le niveau du certificat d'études est élevé. Objet historique qu'il convient d'apprécier à sa juste valeur. Merci Lina. Voici un extrait du premier opus d'Interville conservé. À vous, Guy Lux. Je vous rappelle, messieurs, que ce jeu, en toute amitié, veut que vous alliez repasser votre certificat d'études, c'est-à-dire que je vais vous poser 10 questions, que vous avez d'ailleurs peut-être subies il y a une quinzaine ou une vingtaine, enfin, bon, n'insistons pas. 10 questions vont vous être posées. Le premier d'entre vous, évidemment, qui répond à 15 secondes, pour répondre, s'il répond, il marque un point, s'il ne répond pas, on lui en retire un, et déclaré vainqueur, celui qui, à l'issue des 10 questions, aura évidemment totalisé le plus de points, il fera à ce moment-là marquer un point à sa ville. Vous êtes prêts? Tout cela vous paraît clair? Le moral est bon? Dax, Bayonne, c'est parti. Première question. De quelle ville à quelle ville circula en France le premier train pour voyageurs? Je dis bien pour voyageurs. Bravo Bayonne, Bayonne a pris l'antenne, c'est le cas de le dire. Nous vous écoutons, quelle est la réponse? Paris-Saint-Germain. Oui monsieur, un point. Quand je vous disais qu'il y avait de l'ambiance, plus de 10 000 mains sont en train de battre. Je ne sais pas ce qui se passe à Dax, nous le verrons tout à l'heure. Deuxième question. Quelle était la capitale de la Gaule romaine? Monsieur Appuyé, c'est Dax qui prend la parole, je vous écoute. Non, monsieur, vous marquez un point de moins. C'est dire, monsieur, que vous allez avoir à dire deux bonnes réponses pour vous retrouver à zéro. Bon, eh bien, ça marche mal pour Dax, mais enfin, rien n'est perdu. Troisième question, sur combien d'années s'étend en réalité la guerre de 100 ans? 115 ans. Dax a pris la parole, il a répondu en même temps que la sonnerie, donc je pense que pour tous les téléspectateurs, il est souhaitable que vous renouveliez votre réponse. 115 ans. Non, monsieur, 125, moins 2 pour Dax. Quatrième question. Sous Louis XIV, comment appelait-on l'impôt sur les boissons? Bayonne a pris la parole, 15 secondes pour répondre. Les aides. Oui, monsieur. Et je dois dire que vous aidez considérablement les couleurs de votre ville en répondant les aides. Vous êtes à 2 points. Je signale actuellement, pour la bonne compréhension de ce jeu, que les 2 points de Bayonne sont +2, que les 2 points de Dax sont -2. 4 points séparent les 2 candidats. Cinquième question. Quel est le nom donné à la première chambre des députés de la Restauration? Bayonne? La chambre des pairs. Non, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé, d'ailleurs, je dois vous dire que le titre était finalement va justifier votre réponse. C'était la chambre des introuvables. Vous n'êtes plus qu'à 1 point. Sixième question. C'était introuvable pour vous. Tiens, mais le certificat d'études, vous savez, c'est pas si facile qu'on veut bien le penser. Eh bien, justement, en fait, certificat d'études, vous allez voir que cette sixième question est de circonstance. Quelle fut la loi qui obligeait en 1833 toutes les communes à avoir une école? Dax en convient. Ah non, Bayonne. La loi Guizot. Mais oui, monsieur. La loi Guizot qui vous donne 2 points et qui nous permet de passer à la 7e question. Comment s'appelait, c'est une très vieille mode, je m'en excuse, pour les dames qui sont ici, comment s'appelaient les pantalons portés par les Gaulois? Ah, évidemment, on ne voit plus ça actuellement. Dax. Les C. Comment? Les C. Ah, écoutez, je ne sais pas si c'est une prononciation dacquoise, mais ça n'est pas tout à fait ce que j'ai, moi. Voulez-vous répéter? Les C. Vous êtes très près de la vérité. Malheureusement, je ne peux pas vous donner cette réponse pour bonne parce que le nom est très connu, c'est les Brais. Les Brais. Moins 3 pour Dax. Oh, mais écoutez, c'est pas grave. Vous savez, c'est la première épreuve, elle ne compte que pour 1 point. 8e question. Par qui fut fondée la Sorbonne? Ah, des écoles, nous sommes passés à la Sorbonne. 15 secondes. Le chronomètre est parti. Nos 2 écoliers, enfin, qu'on passe et l'âge, sont en train de chercher. Comment dites-vous? Appuyez. Sorbonne, c'est exact. Vous n'êtes plus qu'à -2 à Dax. 9e question et avant-dernière. Et je crois que c'est à vous de vous couvrir de gloire. Date des 3 glorieuses. Bayonne a pris le micro. 27, 28, 29 juillet 1830. Oui, monsieur. Et grâce à cela, vous en êtes à 3 points à -2. Enfin, 10e et dernière question, je pense que maintenant, Bayonne ne peut plus être battue, c'est que pour l'honneur. De ces 3 villes, quelle est la ville la plus au nord? Reims, Metz, Strasbourg. Réfléchissez. Bayonne a pris la parole. Metz. Eh bien non, monsieur, c'est Reims, je suis désolé. Ça n'a pas d'importance, par 4 points d'écart, Bayonne bat Dax dans cette première épreuve et marque le premier point. Un pour Bayonne, 0 pour Dax. Eh bien voilà. Avouez que voilà une manière très folklorique d'annoncer ces points. Nous allons entendre ces points marqués et annoncés de cette manière pendant toute l'émission, et notamment le point maintenant de la 2e épreuve, car la 2e épreuve compte pour 1 point et nous permet de nous rendre aux arènes de Dax. À vous, Léon. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle. comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour. Après Interville, Claude François, ainsi était l'année 1962, riche et variée. À propos d'Interville, notons que, par chance, les cornes de brume ne semblent pas exister en 1962. Avec Léon, ce sera moins intellectuel qu'avec Guy, car nous les retrouverons l'un et l'autre au cours de cette émission. Quand ? Plus tard. N'hésitons pas à créer un peu de suspense. L'entente semblait parfaite entre Guy et Léon, nous en sommes ravis, et entre la France et les USA en cette année 1962. Eh bien, c'est l'émotion qui prime, pour des raisons très techniques. La télévision, déjà, c'est formidable, les duplex fonctionnent entre Bayonne et Dax, alors si ça pouvait se passer aussi bien entre la France et l'Amérique ? Eh bien, précisément. En 1962, les images sont, paraît-il, très bonnes, le son, en revanche, écoutez malgré tout ces moments historiques, vous n'en apprécierez que mieux la qualité de la radio aujourd'hui. Allô, ici Samy Simon à la station de Plumeur-Baudoux, j'appelle Michel Texier à Andover, aux États-Unis. Michel Texier, m'entendez-vous ? Andover, je vous entends bien, quoique faiblement. C'est que nous travaillons ici dans le bruit, vous vous en apercevez peut-être. Nous sommes entourés d'énormes machines grises, d'où sortent des torsades de fil, et les murs sont éclairés de multiples clignotants. Et tout ça ne va pas sans un certain chuintement que vous percevez peut-être un petit peu fort. Eh bien, Michel Texier, je crois que nous venons ensemble, très loin l'un de l'autre, et très proches cependant par l'intermédiaire de ces images qui viennent de passer sous nos yeux. Nous venons de vivre un moment quasi historique et je voudrais que nous puissions l'illustrer tous les deux par les impressions que nous en avons recueillies et aussi par les appréciations quant à la qualité de l'image et du son qui viennent se promener dans les airs à quelques 10 000 km de distance et de venir jusqu'à vous à Andover. C'est le premier salut spatial de la France au Nouveau Monde. C'est la France qui ce soir aura représenté, on peut dire, l'ancien monde en se présentant au nouveau. Je crois qu'il faut saluer ce soir d'un grand hurrah cette invasion pacifique de nos images après qu'hier l'Amérique nous ait adressé les siennes. J'ai écouté un technicien américain, un ingénieur américain, M. Bennett, qui parle français et qui voudra bien, je pense, vous donner un avis plus autorisé que le mien. Eh bien, demandez-vous de la réception des premières images émises de télévision émises de France vers les États-Unis. L'image était très bonne. En vérité, on ne pouvait pas voir aucune distorsion dans l'oscilloscope et dans l'image. Le son n'a pas été très clair ici, mais je crois que nous avons eu un peu des problèmes dans notre équipement ici. Alors, je n'ai pas très bien entendu, il y a en ce moment un certain brouillage. Je voudrais savoir si vous avez pu suivre de bout en bout l'émission, si la qualité était suffisante, par exemple, pour être utilisable sur une émission conventionnelle. Nous n'avons pas suivi tout à fait de bout en bout l'émission. Sur les dernières images, après, je crois, la chanteuse Michel Arnaud, il y a eu du brouillage, l'obscurité. Et le son a disparu. Mais dans l'ensemble, j'ai pu suivre, moi, d'une part, l'émission que nous avons reçue à Plumeur-Baudoux hier en provenance des États-Unis via Telstar, et ce soir, l'image que nous avons envoyée. Cette image, je la voyais de deux façons. Au départ, sur un écran à ma gauche, à l'arrivée, au retour de Telstar, à ma droite. Et sauf l'incident que vous signaliez à l'instant, je dois dire que d'une façon générale, il n'y avait pas une grande différence entre la qualité au départ et la qualité à la réception. Comme cette réception ici devait être sensiblement la même que la vôtre, j'en déduis que dès maintenant, tenant compte de la qualité de ce que l'Amérique nous a envoyé hier et de ce que vous avez reçu ce soir, les liaisons, on peut le dire, sont établies maintenant virtuellement et que ce n'est plus qu'une question de technique opératoire pour que l'on puisse vraiment franchir le dernier seuil qui nous mène à la télévision mondiale. Émission réalisée le 12 juillet 1962 à l'occasion du premier relais mondial de télévision France-USA par l'intermédiaire du satellite Telstar. Et la technique s'améliorera encore, vous le savez bien. France Culture, les années 60. On rentre à Paris, il passe et se passe tant de choses dans le ciel de Paris. Pour tous ceux qui intéressent le prodigieux développement scientifique actuel, dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici réalisé par Paul Castan une émission de Paul Sarès, Le progrès et la vie. Satellite dans le ciel de Paris, tel sera le sujet de notre reportage, avec la participation de M. Muller, astronome à l'Observatoire de Paris. Nous sommes à l'Observatoire de Meudon, le ciel est remarquablement pur, et dans quelques instants, M. Muller, nous allons essayer de suivre un satellite dans le ciel de Paris. Pourriez-vous nous dire avec quel moyen, avec quel appareil, essayez-vous de suivre ces satellites? Nous avons un appareil qui est en apparence très petit. Ça peut paraître bizarre, car on a à côté de nous, à tout près d'ici, une très grande lunette. Mais cet instrument n'est pas propre du tout à l'usage en question, parce qu'il est sous une coupole, et jamais une coupole ne pourra suivre avec la vitesse nécessaire un satellite qui va dans le ciel assez vite. Par conséquent, on est amené à se mettre en plein air avec un appareil portatif. Par conséquent, en l'espèce, un théodolite. Cet appareil comporte deux cercles divisés, un horizontal et un vertical, et une optique qu'on a remplacée, par rapport à celle d'origine, par une monoculaire à prisme de 50 mm d'ouverture. On peut donc voir des étoiles jusqu'à la 8e, 9e grandeur même, par conséquent, pas mal de satellites. Dans combien de temps attendez-vous le satellite? Eh bien, nous en avons un qui passe dans une dizaine de minutes. C'est un satellite dit secret. En fait, ces satellites secrets, au nombre d'une vingtaine, sont en grande partie faciles à suivre régulièrement. Nous avons même des éphémérides pour les suivre, des indications qui viennent d'Amérique ou d'Angleterre, pour les trouver dans le ciel. Donc, chaque nuit, il passe dans le ciel de Paris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 objets? Beaucoup plus que ça. En moyenne, on peut dire qu'il y en a une bonne quinzaine. Nous avons été en mois d'août jusqu'à en avoir 25 dans la nuit. Il faut dire que dans le nombre, il y en avait quelquefois qui revenaient deux ou trois fois. C'est le cas ce soir, il y en a un qui est passé tout à l'heure et un et qui repassera le même d'ici une heure. Et je crois qu'il y a dans le ciel une centaine, 200, 300, peut-être 400 objets qui ainsi circulent tranquillement autour de la Terre. Sur les 400, il en est retombé un certain nombre et actuellement il en circule environ, très grossièrement, 100 à 120. Il y en a dont on ne connaît plus le sort. Quelques-uns sont trop petits, on les suit mal. Et d'autres, dont on sait à peu près sûrement qu'ils sont encore en orbite, ne sont plus vus parce que leur orbite est instable. Notamment ceux qui vont très loin. Il y en a deux qui vont à 35 000 km de la Terre et qu'on ne retrouve plus lorsqu'ils reviennent. Je vois à côté de ce théodolite un magnétophone et une pendule dont on entend peut-être le tic-tac. Eh bien, nous avons intérêt à avoir l'heure exacte autant que possible pour savoir quand le satellite va arriver. Et nous avons intérêt aussi à noter nos pointés, nos lectures sur les cercles. Or, il est peu pratique d'avoir la nuit un carnet, un crayon et une lampe de poche. Ça fait trois choses, on n'a que deux mains. Et il faut pratiquement les deux mains pour suivre le satellite. Par conséquent, depuis déjà plus de 4 ans, j'ai trouvé l'astuce fort simple de mettre à côté de moi un magnétophone et de dicter mes pointés à haute voix, si bien que j'ai tout le temps de m'occuper de mes pointés uniquement et, le cas échéant, d'annoncer des détails, par exemple les variations d'éclat. Un satellite varie d'éclat et il s'éteint, je peux l'annoncer au magnétophone. Ensuite, je fais retourner la bande, je note sur un papier les pointés qui ont été faits. Et puis, en même temps que le passage se fait, à chaque fois que je fais une visée, je donne un coup de doigt sur un petit contact qui est sur le satellite et ça note le temps sur un chronographe imprimant qui est à l'intérieur. Et bien, après quelques secondes d'attente, nous avons enfin le satellite dans le champ du théodolite. Alors, le satellite se déplace à la vitesse de 28 000 km. Au point de vue vitesse angulaire, nous avons l'impression qu'il fait environ 0,5 degré à 1 degré par seconde, mais au fur et à mesure qu'il se rapproche et qu'il va passer au-dessus de nous, au zénith, sa vitesse angulaire s'accélère et devient de l'ordre de plusieurs degrés par seconde. Il n'est pas possible, bien entendu, de distinguer la forme ni les dimensions de l'objet. Il est beaucoup trop lointain, étant donné le grossissement de la jumelle. Pour moi, c'est un point lumineux, très faible, il n'est malheureusement pas visible à l'œil nu. Il est déclaré à peu près constant, et nous disons de l'ordre de 6e grandeur. 242,50. 62,20. Top. Le satellite maintenant faiblit, il redescend, il est passé au-dessus de nous, et maintenant, il va disparaître bientôt vers l'est. Vous permettez que je jette un coup d'œil, monsieur Barlier ? J'ai l'impression qu'il a complètement disparu de l'horizon. Ah oui, maintenant il est en train de disparaître. Je ne sais plus même, attention, on peut encore le voir. Il disparaît. Il n'est plus visible. Nous sommes maintenant dans le laboratoire de M. Muller, laboratoire très bien équipé. M. Muller va envoyer un message aux États-Unis, message qui correspond à l'observation que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Je suis obligé de m'en aller maintenant, M. Sarès, parce que j'ai un et même deux satellites qui vont passer dans quelques minutes et en se croisant dans le ciel. Il faudra que je fasse une gymnastique pour en prendre les deux, en débutant par un, en prenant l'autre, puis en revenant sur le premier. À propos de gymnastique, nous vous l'avions promis, rejoignons Léon, ailé par Guy. Toujours pour Interville, Bayonne, Dax. Le suspense est à son comble. Pour leur Bayonne, je vous le rappelle, mène par 1 à 0 contre Dax. Dax où l'on retrouve Léon dans les arènes. Nous sommes le 28 juillet 1962. À vous Léon. Eh bien, qui dit sud-ouest pense rugby. Devant vous, une mêlée. À droite, le pack de Bayonne qui pousse contre les 8 avant du pack de Dax. Si c'était une vraie partie de rugby, on introduirait le ballon dans la mêlée. Mais ce soir, l'arbitre M. Lafitte va siffler et écarter la mêlée. Messieurs, bravo. Ils prennent place pour un nouveau match Bayonne-Dax. Toute l'histoire du rugby français résonne depuis 50 ans des chocs entre Dax et l'aviron bayonnais, mais ce soir, il va s'agir d'une compétition différente, une ex-discipline olympique, le tir à la corde qu'on pratiqua aux Jeux olympiques d'Athènes en 1896. Je vais vous présenter de droite à gauche, très rapidement, les concurrents pour l'aviron bayonnais. D'abord, Larigui, international 84 kilos. Sublet, 80, Crespo, 85, Darmendraï, 98, Egui, 98, Lalanne, 93, Arégui, 99, avoué, et Relais international, le talonneur, 75. Et puis, au-delà de l'Adour, l'Adour, représenté ici par un bassin rempli d'eau, pour Dax et toujours de droite à gauche, Béraud, 80 kilos, Béril, 98, Bachelet, 90, Labadie, 92, Darbos, 90, l'International Dubois, 94, Laharague, 83 et l'International Cassiède, 99 kilos avant dîner et 103 kilos en ce moment-ci. Eh bien, messieurs, la règle du jeu, je vous le rappelle, est extrêmement simple. Il s'agit pour vous de pratiquer le tir à la corde. Vous tirez tout à l'heure, dans un instant, au coup de sifflet de l'arbitre. Il n'y a pas de mêlée, pas de coup franc, pas de drop, pas d'essai. L'équipe gagnante sera celle qui mettra 4 hommes de l'équipe adverse dans le bassin. Monsieur Lafitte est seul juge. 1, 2, 3. L'avantage à Bayonne. Il y en a un. Il y a un d'Aquois qui a les pieds dans l'eau. Et la tension monte dans l'arène. Les milliers de personnes qui sont présentes ici encouragent de leurs cris et leurs applaudissements leurs équipes. Dax reprend l'avantage. Dax Et le premier baïonné va, je crois, être obligé de mettre un pied dans l'eau. Regardez-le qui s'arc-boute. Il s'arc-boute sur la partie droite du bassin. Ah, l'équipe de Dax est déséquilibrée. Il y a toujours un homme de Dax avec les pieds dans l'eau. Deux hommes de Dax. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé. Il y avait deux hommes de Dax, les pieds dans l'eau, et tous les autres étaient tombés. Monsieur l'arbitre, nous sommes bien d'accord. Monsieur l'arbitre, c'est un point pour Bayonne. Un point pour Bayonne. À vous, Guy Lux. Guy Lux et Léon Zitrone pour Interville, les Beatles. À propos d'Interville, il semblerait que les Vachettes soient arrivées plus tard dans le dispositif. Quand précisément? Aux historiens d'Interville de nous le signaler. C'était les années 60, 1962, première émission. Archivina, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Annie Douel, une émission de Philippe Garbi. À suivre.